L'actualité à Nancy et ailleurs. Le camp climat Nancy revient cette année pour une troisième édition. Ça va se passer les 7, 8, 9 et 10 septembre. Et pour nous en parler, nous accueillons Johan. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Eh bien, avec plaisir, porte-parole de Plan B qui organise ce grand rendez-vous de cette rentrée de septembre. Oui, le Camp Climat 2023 c'est organisé par le Plan B Nancy et une vingtaine d'associations membres de l'association Plan B Nancy. Plan B, c'est une stratégie en mouvement dont l'objectif est de transformer les alternatives de notre territoire qui sont des alternatives aujourd'hui en la norme de demain. Pour ça, on fait de la mutualisation matérielle, on crée un réseau de lieux, on fait de la professionnalisation des structures via des formations, de l'accompagnement des porteurs et des porteuses de projets. Et surtout, le Plan B, c'est une communauté. On a une cinquantaine d'associations qui sont membres du Plan B. C'est des associations qui sont dans le milieu de l'économie sociale, solidaire et écologique. Et le Plan B, on les accompagne à travers plusieurs axes de développement. Et ça existe depuis quand, Plan B ? Le Plan B, c'est une association qui a été créée en 2017 à la suite du village Alternativa à Nancy. Et ça a bien pris parce qu'aujourd'hui, 50 associations qui en font partie. Oui, une cinquantaine d'associations, c'est qu'il y a un vrai besoin en fait. Mmh. La stratégie du Plan B, c'est vraiment une stratégie de coopération large entre toutes les structures. On pense que la bataille pour la justice climatique et sociale ne sera pas gagnée par telle ou telle structure, mais par la coopération en fait de toutes ces structures entre elles. Et c'est notamment un des objectifs du Camp Climat, c'est de créer un gros événement de coopération entre toutes les structures pour les mettre en avant, pour se rencontrer, échanger. Et le Camp Climat Nancy qui en arrive à sa troisième édition cette année, hein, ça commencera le 7 septembre. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a des concerts, il y a une vélorution, il y a des formations. Le Camp Climat, c'est quelque chose de très conséquent puisqu'on l'organise avec une vingtaine d'associations, donc il y a autant de choses différentes proposées que d'acteurs qui participent. Donc on va retrouver effectivement des formations, des ateliers, des conférences, des débats, effectivement une balade à vélo proposée par l'association Eden. L'idée effectivement, c'est que ce camp va se passer sur 4 jours au kiosque à Jarville et on va effectivement en termes de temps fort, donc tous les jours, toute la journée, il va y avoir des ateliers, conférences, débats, etc. Tout le programme est trouvable sur le site planbnancy.fr, le programme et les inscriptions. Et effectivement, on va avoir des temps forts qui sont notamment les soirées du jeudi où ça va être beaucoup de conférences. Le vendredi soir, on va avoir des concerts organisés, ça va être du rock alternatif par le Plan B. Et le samedi soir, à partir de 18h, il y a une soirée festive et militante où il y aura pareil des concerts, une buvette avec des acteurs locaux, bio. Ça va être une soirée de soutien au procès de Virginia Carr qui est en procès le 2 septembre pour refus de prélèvement ADN, qui est dans l'association ANV COP21, également membre du Plan B Nancy. Donc on le voit, des moments festifs, des moments où on va pouvoir se former. Par rapport à ces formations, qu'est-ce que vous proposez comme formation lors de ce camp climat ? On a vraiment de tout. C'est pour ça que j'invite vraiment à aller voir le programme sur le site planbnancy.fr. On va trouver des formations, des ateliers et des confs axés sur le climat, la biodiversité, la démocratie, l'aspect social, la gestion de l'eau, la publicité, l'économie locale, le numérique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et alors, on en a la troisième édition. S'il fallait faire un petit coup de projecteur sur les années précédentes, les retours que vous en avez eus, comment ça s'était passé ? Ça s'était très bien passé. On avait fait la première édition en 2020, la deuxième en 2021. On a séché l'année 2022, mais du coup, on revient en 2023 avec, justement, en prenant en compte ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné les années précédentes. Et là, notamment, tout l'événement va se passer au kiosque à Jarville. Le fait d'avoir un lieu unique, à la différence des années passées, non seulement nous facilite énormément l'organisation, mais c'est beaucoup plus simple d'organiser des temps conviviaux, d'échanges et de rencontres. Et c'est notamment pour ça qu'on fait des soirées concerts festives. Donc on va retrouver le programme notamment sur le site du Plan B et sur les réseaux sociaux ? Ouais, sur les réseaux sociaux. Alors, le programme et les inscriptions, ça se passe sur le site www.planbnancy.fr. Et sinon, Facebook, Instagram. Un argument pour donner envie aux auditeurs de venir participer tel ou tel jour et à tel événement ? Eh ben, venez vous former, vous engager, vous informer et puis aussi vous amuser. Merci Johan. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.